petite sœur. Meilleur kéfir, dis-moi ce que tu veux faire ta vie plus tard. Des buts et des projets, je peux te dire que j'en ai plus d'un. Je suis passé par un VEP, une troisième techno. J'étais le petit du fond de la classe qui venait en course en stylo. Au fil du temps, j'ai pu croquer un peu d'ambition. Ma mère me l'avait glissé dans la poche de mon blouson. Je me permets de dire que la vie réserve des surprises. Même si pour être honnête, j'ai eu du mal à la suite. J'ai dit à la guine, non, je ne marche pas dans tes combines. Si tu veux m'entendre, tu devras acheter toutes mes compiles. Non, non, je n'emploie pas l'ironie. Non, mon passé ne me demande pas d'y revenir. L'essentiel, c'est de pouvoir rester fort. La chance, la chute, l'existence, ça s'efforme. C'est un message d'espoir à toute la jeunesse perdue. Garde la tête haute même si la poisse te perturbe. Petit frère, dans la vie il faut se battre. Tu devras croire en tes rêves, dans les bons comme dans les mauvais les jours. Petite sœur, sache que le courage t'appelle. N'aie pas peur du lendemain, saisis-toi de la victoire. Petit frère, petite sœur. J'ai bien reçu ton message, moi je suis perdu dans la masse. Toujours enfoncé dans la crasse, le futur dans une impasse. Petit frère et petite sœur, ne perdez jamais la face. Restez fiers quoi qu'il se passe, les pieds sur terre et la base. Écoute petit frère, dans la vie tu feras pas mal d'erreurs. Mais toi petite sœur, t'auras le cœur saturé de pas mal d'aigreurs. Chacun a ses fautes, mais qui avoue réellement ses torts. Pour assumer son rôle, faut du courage et savoir rester fort. Lis l'argent, repère où sont les vraies valeurs. Un vrai bonhomme ça tend la main, et ça donne avec le cœur. Même si t'es fils de personne, tu peux être quelqu'un. Si tu crois vraiment tes rêves, ton futur ne sera plus incertain. Trouve une femme qui t'aime, chérie-la et reste auprès d'elle. Évite les meufs superficielles car rien ne vaut le naturel. Et toi petite sœur, choisis-le parce qu'il te respecte. Ne t'arrête pas à sa plastique mais plutôt ce qu'il a dans la tête. Petit frère, dans la vie il faut se battre. Tu devras croire en tes rêves, dans les bons comme dans les mauvais jours. Petit sœur, sache que le courage t'appelle. Petit frère, garde la tête haute. Combat avec le cœur. La vie est un combat. Petite sœur, suis tes principes. Prends soin de tes valeurs. Et garde pas de ta foi. Si l'amour ne répond pas, un jour ou l'autre il viendra. Et si la vie te déçoit, ne te décourage pas. Va de l'avant, prends confiance, ne te retourne pas. Petit frère, dans la vie il faut se battre. Tu devras croire en tes rêves, dans les bons comme dans les mauvais jours. Petite sœur, sache que le courage t'appelle. N'aie pas peur du lendemain, saisis-toi de la victoire. Petit frère, petite sœur. Petit frère, dans la vie il faut se battre. Tu devras croire en tes rêves. Yo, yo, yo.